Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. C'est sans nul doute une des plus belles découvertes de l'année, assurément sur une période très ancienne. Elle vient de paraître dans une des plus grandes revues scientifiques internationales, Journal of Human Evolution, et les plus grands magazines mondiaux, Science et Nature, l'ont évoqué en chœur. Parce qu'il est géomorphologue, Laurent Bruxell de l'INRAP tente, au travers de la géologie, de comprendre l'histoire des paysages et de toutes ses composantes. Il vient surtout de se pencher sur un exceptionnel fossile, Littlefoot, petit australopithèque qui fit une chute fatale au bord d'un précipice sud-africain. Entre deux études de par le monde et de passage à Paris, j'ai rencontré Laurent Bruxell. Marcelotte évoquait le côté sensuel du silex, mais par chance, il n'y a pas que le silex et l'industrie lithique, mais mille une manière d'approcher les temps préhistoriques. Laurent Bruxell, vous, c'est les grottes ? Bien oui, moi c'est les grottes, et depuis longtemps. Quand on est spéléo, on appelle ça le virus, effectivement. Quand la spéléologie vous prend, elle ne vous quitte plus en principe. Alors c'était un peu particulier le début de ma vie spéléo, puisque j'étais encore au collège. Et finalement, au lieu d'aller en cours, je m'évadais déjà à la campagne, mais à l'époque uniquement pour chercher de l'or en or paillé dans les rivières avec mes copains. Et puis de retour à Montpellier, où j'étais étudiant, et bien là j'allais à la bibliothèque et je lisais que les rivières en crue débordaient dans les grottes. Et je me suis dit, mais c'est là qu'il faut aller pour chercher du sable avec de l'or à l'intérieur. Et puis en fait, et bien à peine arrivé dans les premières grottes, ce qui m'a passionné, c'était pas d'aller chercher le sable aurifère, d'ailleurs on était beaucoup trop haut pour en trouver, mais en fait d'aller explorer la suite de la grotte. Et là ça y est, on avait mis le doigt dans l'engrenage, et c'est quelque chose maintenant, depuis quasiment 30 ans, que je vis au jour le jour. Alors, ce que vous faites, c'est de la karstologie. Vous êtes un spécialiste des karsts, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, le karst, c'est le nom d'une région près de Trieste, où il y a des plateaux développés dans les roches calcaires. Et la particularité de ces plateaux, c'est que l'eau ne coule pas en surface. Au lieu de s'écouler et de faire des rivières, des ruisseaux, elle va couler sous terre et donc elle va creuser des grottes. En fait, si je suis devenu karstologue, c'est bien parce que j'étais spéléologue. Ce que j'aimais dans la spéléologie, c'était l'exploration, mais c'était aussi la découverte de nouvelles grottes. Et pour découvrir de nouvelles grottes, il faut les comprendre comment elles se sont formées, il faut savoir leur histoire, il faut savoir les étudier. Et là, j'ai étudié le karst. Et enfin, je comprenais petit à petit l'histoire des grottes. Et donc, où est-ce qu'il fallait aller pour creuser et pour trouver de nouvelles grottes ? Alors, vous êtes aussi géomorphologue, c'est bien ça ? Oui, alors, quand on est karstologue, on est en général un géographe. Et la géomorphologie, c'est l'étude des formes par la géologie. C'est-à-dire qu'on va expliquer l'histoire du paysage, leur évolution, mais en prenant en compte tous les paramètres, que ce soit le climat, la végétation, l'impact de l'homme, etc. Et en fait, pendant que je faisais ma thèse à l'époque dans les Grands Causses, sur le cause du Larzac, il y avait aussi des archéologues qui travaillaient. Et comme j'étais par là, eh bien, ils m'ont posé des questions. Et ce jour-là, j'ai compris tout l'intérêt que pouvait avoir un géomorphologue qui étudie l'histoire des paysages, de travailler avec un archéologue qui, lui, va étudier l'histoire de l'homme. Parce que souvent, finalement, l'histoire de l'homme et l'histoire des paysages sont liées. Cette discipline existe depuis longtemps, elle s'appelle la géoarchéologie. Mais moi, j'avais compris enfin le lien et l'intérêt de ce travail entre diverses disciplines. Comme vous, l'homme préhistorique est avant tout un spéléologue. Moi, je suis toujours étonné par ce côté cavernicole de nos ancêtres qui n'ont absolument pas hésité à s'introduire sous terre, quelquefois dans de minuscules boyaux. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une grotte ornée. Je pensais justement, puisque les passages étaient très étroits, à nos prédécesseurs, les hommes du Paléolithique supérieur, les Magdaléniens, qui étaient venus peindre dans cette galerie et qui avaient dû ramper, on imagine, avec leur lampe à huile ou leur baguette enflammée dans ces boyaux sombres, loin de l'entrée en plus. Et alors là, je vous avoue qu'effectivement, c'est quelque chose qui pose question, parce que quel est le courage et quelle était la motivation pour ces hommes pour aller aussi loin. Il faut aussi évoquer Lascaux. Lascaux qui est devenu, bien sûr, un symbole. On évoque depuis peu une éventuelle deuxième caverne sous la colline. Qu'en est-il ? Est-ce que vous avez des informations sur le sujet ? Je sais que beaucoup de gens sont là-bas dans le secteur à chercher cette grotte supposée. On est effectivement allé un petit peu voir s'il était possible d'avoir une telle cavité dans le secteur. Et d'après ce que l'on a vu, à la fois par du repérage de surface, mais aussi à l'aide d'une caméra thermique à haute résolution, nous avons cherché s'il y avait des indices de cavité. Alors il y a bien des indices de grottes, de petites grottes, mais aucune des entrées, aucun des orifices que nous avons vus ne correspond à l'histoire telle qu'elle nous a été racontée par la dame qui a vu l'entrée de cette grotte il y a maintenant plusieurs décennies. Donc le mystère, disons, reste entier et la recherche est à poursuivre. Laurent Bruxelles, vous travaillez en Afrique du Sud et venez de co-publier, notamment d'ailleurs avec Ron Clark, le professeur Ron Clark, un papier dans Journal of Human Evolution, une grande revue bien sûr internationale. Et car n'oublions pas que l'Afrique du Sud, c'est avant tout le berceau de l'humanité, c'est bien ça ? Alors, c'est le berceau de l'humanité tel que l'UNESCO l'a appelé en 1999. Alors, pourquoi l'UNESCO l'a appelé comme ça ? Eh bien, c'est parce que cette zone d'Afrique du Sud, qui est une zone dans laquelle les roches sont des dolomies, ça réagit un petit peu comme les calcaires, c'est-à-dire que c'est soluble dans l'eau, donc des grottes peuvent se former. Et dans ces grottes, eh bien, il y a des vestiges d'hominidés qui ont été trouvés. Et il faut savoir que dans ce petit secteur qui fait 25 000 hectares, on a trouvé près d'un millier de vestiges d'hominidés anciens. Ça représente un tiers de tous les fossiles qui ont été trouvés en Afrique. Et puis surtout, ça couvre une période clé de moins 4 millions à moins 1 million d'années, qui est la période où on voit l'apparition d'Homo habilis, qui est notre ancêtre. Donc l'UNESCO a décidé de baptiser cette zone le berceau de l'humanité, pas parce que les fossiles sont les plus anciens, mais parce qu'il y en a beaucoup et qui couvrent une période clé. Le cœur de cette émission est consacré à Littlefoot, un de ces rares fossiles découverts dans une grotte tout à fait exceptionnelle, Sterkfontein. Oui, alors une grotte étonnante d'abord, puisque à l'origine c'est une mine, c'est une grotte naturelle. Mais lorsque Johannesburg s'est développée, on avait besoin de chaux, de calcaire. Or en Afrique du Sud, il n'y a pas de chaux. Et donc les mineurs à l'époque ont eu l'idée d'aller chercher dans les grottes et d'aller ramasser la calcite qui est formée par les stalactites, les stalagmites. Et donc ça c'est de la chaux pure, et pour eux c'était parfait. Et donc finalement, ils ont découvert ces grottes qui étaient complètement bouchées, et comme une mine normale, ils ont creusé dedans en collectant ce qui les intéressait. Et puis ils ont laissé à côté bien des restes de brèches. Donc c'est un béton naturel, ce sont tous les petits cailloux qui sont tombés de la surface dans ces grottes, qui se sont cimentés, qui sont devenus très très durs, et ça, ça ne les intéressait pas du tout. Par contre, à l'intérieur, il y avait des ossements. Ça, ils l'ont vu très vite. Et donc, dès les années 20, ils ont envoyé les ossements à des paléanthropologues et des paléontologues qui ont étudié et qui ont finalement très vite vu le potentiel de ces grottes. Dès les années 20, c'est des grandes découvertes. L'enfant de Togue et ce genre de choses, ça date à peu près de cette époque-là. C'est ça, exactement. C'est en 24, effectivement, que l'enfant Togue est trouvé près de Kimberley. Et là, c'est un enfant australopithèque, un australopithèque africain, africanus. C'est d'ailleurs suite à cette découverte que Robert Broom, sachant que beaucoup d'ossements venaient du secteur de Sterkfontein, dit « je vais aller dans ce secteur-là parce que je cherche à tout prix » un crâne d'australopithèque, cette fois, mais adulte, puisqu'on n'avait qu'un enfant. Et il a eu raison, puisqu'en 1938, effectivement, on lui signale la découverte d'un crâne, et il arrive tout de suite sur les lieux, et le crâne est en place, coupé en deux, encore dans la brèche, et ce crâne, c'est le premier crâne adulte d'australopithèque, Australopithecus africanus, qui va être baptisé Mrs. Pless. Sterkfontein, c'est un réseau absolument invraisemblable de grottes, qui s'emboîtent et autres. Comment est le paysage ? Alors le paysage n'est pas très spectaculaire, on a une petite vallée qui s'appelle la vallée de la Blaubank qui est creusée d'une cinquantaine de mètres en contrebas de petites collines rocheuses, vous voyez, avec une petite steppe herbeuse. Il n'y a rien vraiment de phénoménal. Et pourtant, dès qu'on le rentre dans les grottes, on s'aperçoit qu'effectivement l'autre dimension, elle est sous terre. Puisque par exemple, Sterkfontein, les mineurs ont débouché l'entrée, mais ensuite ils sont arrivés à une grotte naturelle qui était ouverte, inaccessible depuis la surface. Et là, on a 10 km de galeries qui sont un véritable labyrinthe. Si vous êtes dedans et que vous ne savez pas par où vous êtes arrivé, il est impossible de ressortir parce que vraiment tous les passages se ressemblent et sont très proches les uns des autres. Et même avec la carte, quand on est dedans, on ne sait pas vraiment où on se trouve. Vous en avez fait une représentation en trois dimensions justement pour voir un peu quelles étaient les circulations donc, au sein de cette grotte. C'est-à-dire qu'on avait tellement de mal à se repérer et à comprendre où étaient les vestiges, puisqu'il faut imaginer que si les cailloutis rentrent dans la grotte et si les vestiges, les fossiles tombent dans la grotte, c'est parce que la surface, le paysage a recoupé une partie de la grotte et donc les sédiments sont tombés dans la grotte. Et donc ça forme des grands tas qui vont se déverser d'une galerie dans l'autre. Mais si on ne sait pas où on se trouve, si on n'est pas en 3D, on ne comprend absolument rien. Et aujourd'hui, on a le premier modèle 3D des principales galeries de la grotte. Il y en a déjà quelques kilomètres et on va essayer à terme d'avoir toute la grotte en 3D. Alors comme toutes les grandes découvertes, celle de Littlefoot est tout à fait invraisemblable. Oui, c'est une belle histoire humaine où se conjuguent la chance, évidemment, mais surtout la perspicacité et les compétences de quelqu'un d'exceptionnel, qui est Ron Clark, qui est paléanthropologue à l'université Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc on savait depuis longtemps qu'il y avait des ossements qui venaient de cette grotte. Et dans les années 60, c'est Philippe Tobias qui décide de descendre un petit peu plus profond, en disant, voilà, si on va chercher dans les niveaux les plus profonds de la grotte, on va peut-être trouver des fossiles plus anciens. Ça ne marche pas toujours, mais là, dans ce cas-là, ça marchait. Et donc, des ossements étaient sortis. Et Ron Clark, lui, eh bien, continuait, participait à ces fouilles. Et puis, il regardait, c'était un paléanthropologue, spécialiste des ossements d'Australopithèque. Et donc, il a commencé à regarder une boîte en 1994. Et c'était, il y avait marqué « animaux ». Bon. Et puis, lui, il regarde ça et puis il voit bien que parmi les os d'animaux, il y a des os qui étaient de l'Australopithèque et notamment plusieurs os d'un pied d'Australopithèque. Il avait aussi un petit morceau d'os dont il ne savait que faire, mais qu'il a gardé en tête et qu'il a mis aussi de côté. En 1997, il retrouve d'autres boîtes qu'il ouvre, il verse tout ça sur son bureau, et puis c'est le déclic, il voit certains os, il dit « mais ça me rappelle exactement ce que j'ai vu en 1994 ». Il faut quand même imaginer que Ron Clark regarde des boîtes tous les jours. Donc il a quand même une très très bonne mémoire de tout ça. Et puis surtout, le petit bout dont il ne savait que faire, eh bien, il arrive à le mettre au bout de la base d'un tibia. Et il réalise en fait qu'au lieu d'avoir des petits os épars, il a en fait deux morceaux de pied d'un australopithèque. Et d'après la taille et l'allure des ossements, il est persuadé que c'est le même individu. Et alors il dit, si j'ai les deux pieds d'un australopithèque dans cette grotte, ça veut dire qu'il y a un spécimen qui est entier, quelque part, dans la cavité. Il fait donc un moulage de la partie basse du tibia. Il donne ça à ses deux techniciens qui partent dans la grotte. Et donc ces techniciens vont pendant 2 jours avec ce petit bout d'os chercher l'endroit, la cicatrice, où elle va coller parfaitement. Et au bout d'un jour et demi, eh bien, ils localisent exactement la position de Littlefoot. Et donc Ron Clark décide là d'attaquer la fouille, c'est-à-dire le dégagement du fossile de sa gangue de béton. Alors ce qui est invraisemblable aussi, c'est que cette fouille va durer 13 années. 13 années pour dégager un petit squelette. Avec des petits pieds, donc Littlefoot, petits pieds. Petit squelette, mais alors dans une gangue extrêmement dure. On va même parler d'un écrin, parce que ce qui entoure Littlefoot est tout aussi important. Évidemment, on ne travaille pas au pinceau, ni à la truelle. Là, c'est vraiment des cailloux cimentés par la calcite, extrêmement durs. Dans certaines parties, d'ailleurs, on travaille à l'explosif, pour vous donner une idée. Là, il ne fallait absolument pas abîmer le fossile parce que les os sont dans un état de conservation exceptionnel. Il y a tous les indices, toutes les traces dessus qui sont extrêmement importantes. Et donc, ça a été fait bien à la fraise de dentiste. Vous voyez, petit à petit, sans toucher l'os, ils ont dégagé progressivement ce squelette. Et puis, ça ne s'est pas fait de manière continue puisqu'en plus, il y a eu une petite frayeur en plein milieu. C'est-à-dire que Ron Clark a commencé par les pieds, donc par l'endroit qui a été trouvé. Puis, il a avancé jusqu'au niveau des fémurs et arrivé à mi-fémur. Eh bien, il n'y avait plus rien. Tout avait disparu, il ne trouvait plus le squelette. Il a donc décidé de continuer à avancer à l'horizontale. Et au bout d'1,50 m, il est tombé sur le bras de Littlefoot, entier, avec la main encore fermée. Ça aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, il s'est dit, c'est bizarre, j'ai les jambes d'un côté, j'ai les bras de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé le reste de mon fossile? Il a dit, mais peut-être il s'est passé un effondrement, si possible. Ça arrive dans ce genre de formation. Et donc, je vais descendre dans la partie où j'ai rien. Et là, il est descendu. La première chose qu'il a touchée, c'est l'os du crâne. Il avait gagné, il avait raison. En fait, tout le fossile était là. Il était juste décalé à peine de quelques décimètres. Il est dans quelle position? Bien, c'est là aussi qui est exceptionnel, c'est qu'il est dans la position de sa mort, hein, c'est-à-dire qu'il a un bras tendu au-dessus de la tête, il a l'autre bras le long du corps, un petit peu roulé dessous, les jambes légèrement vrillées, exactement comme s'il venait de tomber et qu'il avait roulé un petit peu sous cet éboulis, ou comme s'il était mort sous cet éboulis et qu'il avait roulé un petit peu, vous voyez, au fur et à mesure de la décomposition du corps. Depuis, il n'a pas bougé, et c'est ça qui est exceptionnel, et quand on compare par exemple aux fossiles que l'on trouve en Afrique de l'Est, qui ne sont pas dans des grottes, qui sont dans d'autres contextes, on a là un potentiel incroyable de trouver des fossiles en connexion. Littlefoot, pour tout vous dire, c'est le premier fossile complet d'Australopithèque au monde, qui plus est en partie en connexion, c'est-à-dire qu'on a encore par exemple la main fermée avec le pouce à l'intérieur. Une des questions d'ailleurs, quand on le voyait, c'était de se demander qu'est-ce qu'il pouvait avoir encore dans la main. Mais on a là son dernier geste finalement, qui est mémorisé et qui a duré pendant plusieurs millions d'années jusqu'à nous aujourd'hui. Bien sûr, Laurent Vauxhall, vous n'êtes pas anthropologue, mais qu'est-ce que l'on pourrait dire donc sur ce petit Australopithèque au niveau de l'anthropologie? Littlefoot va nous apprendre énormément de choses puisque bien on a des os très très bien conservés en connexion, donc rien que chaque os mérite à lui seul une étude. Mais il va nous apporter aussi beaucoup de choses sur l'évolution humaine, sur son mode de déplacement. Par exemple, on voit qu'il a une main relativement moderne. mais il a des phalanges encore un peu courbes qui montrent qu'il, par exemple, il se déplaçait encore dans les arbres. Donc un bipède, mais certainement qu'il se déplace encore dans les arbres. Entre les dents, par exemple, on sait que maintenant, on nettoie pas hein, entre les dents, parce que les australopithèques ne se brossaient pas les dents, et ils avaient du tartre, beaucoup plus que nous. Et dans ce tartre, on retrouve les restes des végétaux qu'ils consommaient. Et donc, en étudiant ce tartre, on va savoir aussi quel était le régime alimentaire, et en même temps, peut-être la végétation qu'il y avait autour, lorsque Littlefoot était vivant. Laurent Bruxelles, je rappelle donc pour les auditeurs de France Culture que vous êtes géomorphologue à l'INRAP, spécialiste des grottes, que vous étiez voici peu président de l'Association française de karstologie et que vous venez de copublier, notamment donc avec Ron Clark, un article dans le Journal of Human Evolution sur l'Australopithèque d'Afrique du Sud, Littlefoot. Une photo vient d'être publiée dans votre article, très très impressionnante, sur le visage de Littlefoot. C'est la première photo publiée de la face du visage de Littlefoot. Première fois, puisqu'avant, il était dans la gangue, donc on ne voyait que le profil. Et là, il a été entièrement dégagé. Et on voit enfin Littlefoot avec un petit regard un peu en colère. Mais en même temps, c'est qu'il y a eu une petite déformation du crâne qui lui abaisse le haut. Mais il a effectivement un cachet, un visage exceptionnel. On était très heureux, nous, de découvrir cette face intacte. Là aussi, c'est la première face complète d'Australopithèque avec sa mandibule et encore les dents, vous voyez, fermées et, voilà, en occlusion. Alors, il n'y a bien sûr pas que des australopithèques dans ces grottes, il y a aussi plein de faune. Oui, alors, il y a beaucoup de faune, beaucoup de bovidés, beaucoup de carnivores. Et ce qui est intéressant, c'est que Littlefoot est entier. C'est le seul squelette en connexion complète qui est dans cette partie de la grotte. Tous les autres ossements que l'on trouve, donc, que ce soit des bovidés, donc des herbivores, des carnivores, sont éparpillés et même pour la plupart d'entre eux, ils ont des traces de dents dessus. S'ils ont des traces de dents, c'est très intéressant parce que ça montre qu'ils ont été consommés. Alors donc, si on veut reconstituer un petit peu l'histoire de Littlefoot, comment il est arrivé dans la grotte, ce n'était peut-être pas un spéléologue, je ne pense pas que c'était non plus la curiosité là, cette fois-ci qui l'a amené là, il est peut-être arrivé dans cette partie de la cavité un peu contre son gré. Disons qu'à l'extérieur, on sait que ces grottes existaient, qu'il y avait des bosquets d'arbres autour. Ça, on peut le dire parce que dans les sédiments, nous avons trouvé des lianes. Ça veut dire qu'il y avait des lianes qui descendaient jusque dans les grottes et qui ont été depuis fossilisées. Et autour de ces abris vivaient des australopithèques, mais ils n'étaient pas seuls les australopithèques. Il y avait aussi d'autres carnivores, notamment des tigres à dents de sabre et des léopards. Et donc, si les australopithèques étaient peut-être des chasseurs, ils étaient aussi chassés. Et on a des preuves puisqu'on a des crânes d'australopithèques, on a encore les traces de dents de félins qu'ils ont consommées. Alors souvent, les félins, lorsqu'ils attrapent leur proie, ils n'ont pas envie d'être embêtés par les autres, donc ils montent sur les branches d'arbres et ils vont manger ça tranquille. Et donc les os vont tomber petit à petit en dessous, et lorsqu'il y avait des grottes, ils tombaient dans les grottes. On peut imaginer aussi que certaines des entrées de ces cavités étaient des repères de hyènes. Donc tout ce que les hyènes attrapaient, elles venaient le consommer dans les grottes, et ensuite ces ossements étaient remaniés et venaient sédimenter dans la grotte. Littlefoot, lui, est entier. Donc il n'a pas été mangé, il n'y a pas de traces de dents. Et clairement, ce qui lui est arrivé, sa mésaventure, il est tombé. Il faut savoir qu'il a fait une chute certainement de plus de 20 mètres. Il est tombé dans la cavité. Et la preuve que c'est une chute, c'est qu'en fait, il n'a pas été consommé par d'autres animaux. Si cette partie de la grotte avait été accessible, des hyènes ou des porcs-épics seraient venus le ronger, le consommer. Et on aurait donc un Littlefoot complètement éparpillé et des os en partie rongés. Là, ce n'est pas le cas, il est resté en connexion. Ça montre bien que cette partie de la grotte était accessible uniquement que par le puits, que par l'entrée verticale. Et il est tombé et il est mort dans cette partie de la grotte. C'est ce qu'on appelle un avène, c'est une sorte de puits naturel qui émerge à la surface et qui est un véritable piège pour les animaux. Oui, c'est ça, c'est un avène, voilà, au moins 20-30 mètres, il faut imaginer, avec une auréole d'arbres autour, donc une zone peut-être où on pouvait se réfugier, peut-être plus qu'autour où il va y avoir une savane herbeuse, donc beaucoup d'animaux qui vivent là, peut-être aussi parce qu'il y a des fruits, c'est humide, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, il y a à la fois ce piège et puis l'attraction finalement autour de cette cavité pour la faune locale, et donc grâce à ça, finalement, malheureusement pour Littlefoot, l'enregistrement et la sauvegarde de ce fossile exceptionnel. Alors il a bien sûr été recouvert par plus de 10 mètres d'épaisseur de sédiments et c'est là, Laurent Bruxelles, que vous intervenez. Donc lorsque Littlefoot tombe, c'est une entrée de grotte et d'autres cailloux continuent, de la terre continue à tomber. Donc il va être progressivement enseveli. La question, c'est de savoir, évidemment, quand est-ce qu'il tombe, puisqu'en fait, lorsqu'il est tombé, nous, on sait, il est maintenant à plus de 20 mètres de profondeur. Donc, ça veut dire qu'au-dessus, on a 20 mètres de sédiments, de caillotis qui sont venus complètement le sceller. Alors on ne peut pas dire, d'après la profondeur, le temps qu'il faut pour déposer autant de sédiments. Ça varie énormément. Donc il faut chercher d'autres éléments. Et les géologues, les paléanthropologues qui ont travaillé sur les Tollfoot s'est aperçu qu'entre les dépôts de caillouties, on avait aussi des niveaux de calcite. C'est-à-dire qu'il y a des moments où finalement, ils ont pensé, disons, le talus de cailloux a fini de grandir, peut-être parce que l'entrée se bouchait. Des stalactites et des stalagmites se sont développées et elles ont dépensé un plancher de calcite qui a recouvert tout ça. Et puis on peut imaginer que l'entrée s'ouvre à nouveau, de nouveau des caillouties tombent. Et donc c'était parfait parce qu'on avait un sandwich entre des brèches, donc ce béton naturel, des planchers de calcite, de nouveau des brèches et le fossile au milieu. Et s'il y a une chose qu'on sait faire, eh bien c'est bien dater les planchers de calcite. Donc c'était parfait. Little Foot étant compris entre deux planchers de calcite, eh bien il suffisait de prélever ces deux échantillons, d'en faire la datation, et on avait donc l'âge du Little Foot. Le problème, c'est que les résultats que l'on a obtenus sur les datations de ces planchers ont donné un âge très jeune, étonnamment jeune. Lorsque Ron Clark a découvert Little Foot, il a tout de suite pensé, non seulement d'après la profondeur, mais aussi d'après la morphologie de Little Foot, et aussi parce qu'il y a d'autres animaux, d'autres ossements associés à Little Foot, qu'on s'est situé autour de 3 millions d'années, quelque chose comme ça. Donc grosso modo, un contemporain de Lucy. Or, les datations qui ont été réalisées sur ces planchers de calcite, qui étaient dans la brèche, ont donné des âges autour de 2 millions, 2 millions 15, 2 millions 2. Donc vous voyez, un énorme gap en temps, et donc là, il s'est posé la question. Et c'est là qu'effectivement, on m'a demandé de venir résoudre ce problème, puisqu'il y avait une incohérence apparente entre l'âge de ce fossile, tel qu'on l'estime, et les dépôts dans la cavité. Alors ce que je comprends à vous écouter, c'est que le contexte sédimentaire, le contexte de Little Foot est pratiquement aussi important que Little Foot. Oui, oui, il est extrêmement important. Autant Little Foot, lui, c'est le fossile, mais on a besoin de l'écrin, c'est-à-dire que les brèches, les planchers de calcite qu'il y a autour ont enregistré tout ce qui s'est passé à l'extérieur, à l'entrée de la grotte, que ce soit au niveau du climat, mais aussi au niveau de la faune qui fréquentait ces secteurs-là. Alors, c'est vrai que là, lorsque Ron Clark m'a demandé pour la première fois de venir, c'était en 2007, je suis parti assez confiant. En Europe, on a l'habitude des grottes. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Je me suis dit, bon, mais peut-être qu'effectivement, ils n'ont pas trop l'habitude du karst. Il n'y a pas de karstologue, je crois, où il n'y en avait plus en Afrique du Sud à ce moment-là. Donc, ce sera peut-être relativement simple. Et dès le premier jour, à la descente d'avion, on est allé directement sur le site. Et j'ai vu les coupes. Et là, je me suis aperçu que eh bien, j'en avais pour 10 ans, au moins. Et c'est le cas, puisque dans 3 ans, ça fera 10 ans qu'on y travaille. Et à mon avis, on en a encore pour longtemps. Parce que d'abord, ce sont des cavités très complexes. Les dépôts eux-mêmes sont extrêmement complexes, il y a des géométries à comprendre. Et puis les Sud-Africains avaient très très bien cerné le problème, c'est-à-dire que, au point de vue scientifique, ce sont des scientifiques de haut niveau, et s'ils n'ont pas certaines de nos spécialités, comme la karstologie ou la géoarchéologie, ce que je fais, tout le reste, ils l'avaient très très bien intégré. Et donc ce jour-là, j'ai compris qu'effectivement, c'était un véritable travail de collaboration, et que c'est en travaillant ensemble pendant des années, ce qui a été le cas, que nous arriverions petit à petit à répondre aux questions qu'ils n'avaient rêvaient pas résoudre. Alors est-ce que justement vous avez trouvé ce milieu, ce sédiment dans lequel Little Foot était tombé, qui aurait permis de dater l'individu ? Eh bien, on répond à la question de pourquoi finalement, lorsqu'on a daté ces planchers stalagmitiques, on obtient des âges beaucoup trop jeunes. Et là, il a fallu effectivement, ben là c'est l'œil un peu du spéléologue ou du karstologue, il a fallu se pencher, regarder bien ce millefeuille et lire les relations qu'il pouvait y avoir entre ces planchers de calcite et cette brèche. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, eh bien, les planchers de calcite ne venaient pas simplement recouvrir les talus, comme on le pensait, mais qu'ils étaient venus plus tard remplir des vides. Alors comment ça s'est passé ? Eh bien en fait, c'est que ce talus qui était au pied de l'entrée s'est cimenté. Et donc il est devenu dur comme du béton. Et puis peut-être parce que les variations climatiques changent, ou peut-être parce qu'il y a un peu plus d'eau qui rentre dans la grotte, eh bien il y a de l'eau qui a circulé à l'intérieur de ces sédiments et qui ont creusé des cavités. Ils ont notamment creusé une cavité sous Little Foot. Et c'est pour ça d'ailleurs que Little Foot s'est effondré et que Ron Clark a cru avoir perdu la moitié de son squelette à un moment. Et donc dans ces vides, eh bien, de l'eau est passée, elle a dissous la brèche, elle a emporté les éléments. Et puis là aussi, peut-être parce que les conditions redeviennent favorables, parce qu'à l'extérieur on a de la végétation, on a du sol, eh bien, les conditions chimiques changent et cette fois-ci c'est de la calcite qui va venir dans la grotte. Et au lieu de creuser les vides, eh bien, on les remplit de planchers. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit bien que cette calcite vient remplir des trous dans la brèche, mais bien longtemps après la formation de la brèche. Il a fallu effectivement que le sédiment se dépose, qu'il soit durci, que les trous se creusent et que la calcite vienne se déposer. Tout ça lié à des histoires géologiques et climatiques certainement assez longues. Donc du coup, eh bien, ça veut dire que ces planchers stalagmitiques dans ces trous ne peuvent pas être utilisés pour dater Littlefoot. Alors est-ce que vous avez réussi pour finir à dater cet australopithèque ? Alors, pas de mystère pour rien, on n'a pas encore de date. Mais déjà, ça apporte une grande chose. C'est-à-dire que si on place Littlefoot à 2,2 millions d'années, comme c'était le cas, on le place après l'apparition d'Homo habilis, après l'apparition de notre ancêtre. Ça veut dire que Littlefoot ne peut pas être notre ancêtre. Si on dit ce que nous disons maintenant, c'est que Littlefoot est plus ancien, nettement plus ancien, et que toutes les dates qui le rajeunissent ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'on replace Littlefoot, grosso modo, autour de 3 millions, et dans ce cas-là, il redevient possiblement notre ancêtre. Et donc là, ça devient extrêmement intéressant, puisqu'on replace Littlefoot dans l'arbre phylogénétique, et qu'il y a deux espèces d'Australopithèques en Afrique du Sud, et que l'une ou l'autre peut aussi être notre ancêtre. Et au niveau de la fourchette chronologique, vous pensez à quoi ? 3 millions, un peu plus de 3 millions d'années ? ça va être difficile. Ce qui va nous donner la solution, c'est que parmi tous les planchers de calcite dont on dit que certains sont problématiques parce qu'ils ont rempli des trous, on a fait une recherche minutieuse dans la grotte et on a trouvé quelques planchers qui sont des vrais planchers qui sont venus recouvrir à un moment donné ces talus. Ceci n'était pas accessible, il a fallu faire des escalades dans la grotte, donc d'où l'intérêt effectivement de faire un petit peu de spéléo pour aller chercher ces indices-là. Et ces datations sont actuellement en cours au CEREJ. Donc ce sont des datations uranium-plomb, c'est des analyses très très poussées. Et s'il n'y a pas trop de perturbations chimiques dans ces planchers, eh bien on aura très bientôt l'âge effectivement de Littlefoot. Globalement, je ne peux pas m'avancer plus, malheureusement, mais si on annule ces dates, disons, à 2 millions, 2 millions 2, ça veut dire qu'on repart sur les estimations de Ron Clark. Il n'y a pas de raison qu'elles soient mauvaises. Et puis sur le fait aussi qu'on a trouvé un fossile de hyène qui était associé à ce niveau, qui est donné pour être quelque chose de relativement ancien. Donc oui, autour de 3 millions, restons larges pour l'instant. Donc pratiquement aussi vieux que le fameux Australopithèque Lucy. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'il y a toutes les chances, effectivement, que Littlefoot ou d'autres autour soient donc des contemporains de Lucy. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas un berceau de l'humanité, il y en a peut-être plusieurs, ou peut-être même que toute une partie de l'Afrique est le berceau de l'humanité, et qu'on ne retrouve plus les fossiles que dans certains contextes bien particuliers, les milieux volcaniques, la vallée de l'Omo, et les karsts, les grottes. Tout l'intérêt de l'Afrique du Sud, c'est qu'on sait qu'il y a énormément de grottes, que les fossiles sont extrêmement bien conservés. On va bientôt pouvoir les dater. L'Afrique de l'Est, elle, pose plus de problèmes. Le seul avantage qu'elle a, c'est qu'on peut dater très facilement puisqu'il y a des retombées volcaniques régulières qui permettent de dater les fossiles. On a d'un côté quelque chose qui se date, mais qui se préserve relativement mal. De l'autre côté, quelque chose qui est difficile à dater, mais avec un état de conservation exceptionnel. Il n'y a pas de compétition, parce que je pense que l'un va éclairer l'autre et vice-versa. Mais on a là des très beaux témoins de l'évolution humaine. En tout cas, Laurent Bruxelles, qu'est-ce qu'il y aurait encore à trouver, à découvrir dans ces grottes d'Afrique ? Tout ? Oui, tout largement. Alors là, on ne fait qu'effleurer l'entrée de cavité. Le site de Cromdry, pour vous donner une idée, dont la fouille est dirigée par José Braga de Toulouse et Francis Tacré de Johannesburg. On est à 3 mètres de profondeur sous la surface et un forage a été réalisé. On sait qu'il y a des dépôts encore sur 15 mètres d'épaisseur. Donc en avril, nous y retournons là pour continuer la fouille de ce site et sortir de nouveaux vestiges. Fouille qui n'avait pas été relancée depuis une cinquantaine d'années. Donc voilà, il y a vraiment une redécouverte maintenant complète de ces sites, surtout maintenant qu'on a compris leur géologie, on va savoir exactement comment les dater et les caler. Mais au-delà des sites que l'on connaît, il y a énormément d'autres cavités que l'on a découvertes. On a notamment fait venir avec des collègues de l'université de Toulouse-Le Mirail et du MR Trace un drone équipé d'une caméra thermique à haute résolution. Et ce drone est venu par les matins d'hiver. Il faut voir qu'on est en Afrique du Sud, mais le matin, il fait moins 6 quand même. Et il est venu parcourir le secteur pour détecter les sorties d'air chaud. Parce que dans les grottes, évidemment, bien on a une température moyenne. Et lorsqu'il fait très froid à l'extérieur, l'air des grottes chaud remonte. Et donc, on est allé détecter comme ça. Et on a vu qu'il y avait énormément de cavités qui existaient encore à découvrir. Et un des points intéressants de cette expérience, eh bien, c'est que sur le site de Sarrefontaine, on avait un point chaud, très très chaud, particulier. Donc on a fait poser le drone, l'équipe a pris la caméra thermique à la main, on s'est approché de l'endroit chaud, et on a vu que là, il y avait un petit trou où il y avait du courant d'air. Et lorsqu'on a fait le report topographique, eh bien, on s'est aperçu qu'on était exactement à la verticale de l'endroit où est tombé Littlefoot. En fait, on venait de localiser l'endroit où Littlefoot était tombé. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Ludovic Auger, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr où vous retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, pas la peine de crier, de Marie Richeux.